Oh, I'm going to go to the hospital. ses rages. Le ciel entier lance sur nous comme un nuage. Moi tournions. fait l'orage à ce balcon qui reste ici. Mettons-nous en voyage. Et j'en suis ma vie.